dans l'autobus. Tes bottes sont bien trop grandes, Cindy, tes jambes sont fines. Elles transpercent mon cœur. Oh. Moi je n'aime que toi. Oh, oh, oh, oh. Ma petite Lolita. Cindy, tu n'es pas consciente que ta beauté me fait souffrir. Cindy, moi je suis consciente. Ma laideur te fait sourire. Oh, oh, oh, oh. Moi je n'aime que toi. Oh, oh, oh, oh. Ma petite Lolita. Je connais même pas, mais moi je connais tout de toi. Cindy, tu me souriras. Un jour tu me verras. Oh oh oh oh. Moi je n'aime que toi. Lolita.